Une nuit à l'Alhambra par Bénédicte Reboil. J'étais assis certains soirs au milieu de la cour des lions de l'Alhambra, éclairé par les rayons d'une lune resplendissante se jouant entre les nappes d'eau de la fontaine. Nous étions là, quelques camarades de voyage et moi, fascinés, ébahis, prêtant l'oreille à la voix la plus mélodieuse qui fût jamais sortie du gosier d'une jolie femme. Celle qui chantait s'appelait Diana de Montemayor, fille d'une des plus nobles familles d'Espagne et adulée par tous les brillants cavaliers du pays. Elle accompagnait son chant à l'aide d'une guitare, instrument classique en Espagne, et nous racontait en vers harmonieux, sur un rythme doux et mélancolique, les faits et gestes des avant-serrages massacrés dans cette enceinte. Parmi ces récits des temps passés, je remarquais celui qui va suivre et je le sténographiais sous la dictée de la belle muse espagnole. Au sommet d'une montagne escarpée, faisant partie de la chaîne de Ronda, s'élève le manoir féodal d'Alora, qui de nos jours n'est plus qu'une ruine, demeure des chauves-souris et des orfraies, mais qui fut autrefois une importante fortification bâtie dans le but de protéger le royaume de Grenade et de tenir les morts en échec. Le gouvernement de ce château fortifié passait, à juste raison, pour être un poste de confiance. Il était toujours accordé à quelques chevaliers valeureux ayant fait ses preuves de bravoure. À l'époque où se passe notre récit, la forteresse était sous les ordres de Don Rodrigue d'Orbaz, alcalde militaire d'Antiquera. Bien que le château fût situé à la limite extrême de la frontière, Don Orbaz y demeurait la plus grande partie de l'année, et cela parce que, eu égard à la position du donjon féodal, il pouvait satisfaire son amour pour les aventures et les prouesses de chevalerie. Ce gouverneur, sans peur et sans reproche, portait un nom anti-célèbre parmi les morts, et cette réputation lui était acquise, non seulement à cause de sa bravoure, mais encore eu égard à sa courtoisie magnanime, apanage naturel des vertus militaires. La garnison commandée par Don Orbaz se composait de 50 hommes d'élite, bien équipés et bien montés, et avec l'aide de ses soudards, il protégeait si bien le territoire que tout allait au gré de ses désirs. Tandis qu'une partie de la garnison restait pour garder le château, Don Orbaz se mettait à la tête des autres, parcourant les chemins à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, s'aventurant au milieu des défilés des montagnes et faisant de temps à autre une excursion jusqu'à la Vega de Grenade. Par une belle nuit d'été, à l'époque de la pleine lune et à l'heure où la brise tempérait la chaleur embrasée, l'alcade, à la tête de 9 cavaliers, sortit du manoir et s'aventura dans les défilés des montagnes en quête d'aventure. Les soldats à leur chef chevauchaient en silence, s'avançant avec précaution, de peur d'être surpris par les batteurs d'estrade morts, car eux aussi pouvaient s'être mis en route pour surprendre les chrétiens. Les serviteurs de Don Orbaz longeaient les ravines et les passes les plus obscures afin d'éviter les rayons de la lune qui, se reflétant sur le poli de leurs armes, eussent pu les trahir. Parvenu à un endroit où le chemin bifurquait, Don Orbaz ordonna à 5 de ses hommes de prendre à droite, tandis que lui et ses autres soldats suivraient une route différente. Au cas où l'une ou l'autre des 2 escouades serait attaquée ou courrait quelque danger, quelques appels de corps annonceraient la nécessité d'accourir au secours de ceux qu'on attaquerait. À peine les 5 premiers cavaliers s'étaient-ils aventurés dans le sentier de droite, qu'ils entendirent à peu de distance un homme chanter d'une voix sonore. Ils se hâtèrent de pénétrer dans un taillis au milieu duquel il se tint blotti. La lune, argentant la cime des arbres et laissant le reste dans l'ombre, éclairait en plein la personne du chanteur qui s'avançait lentement, monté sur un cheval gris pommelé, animal d'une haute taille, très richement carapaçonné. Le voyageur appartenait à la race mort, vêtu d'une tunique et d'un burnous rouge, cramoisi, brodé et orné de franges d'or. Un turban à la mode de Tunis, formé à l'aide d'une étoffe mélangée de soie et de coton, ornait sa tête. À sa ceinture était suspendu un cimeter de damas, damasquiné doré d'argent. Son bras gauche supportait une targe fort large, sous laquelle sa main contenait une lance très aiguë. Comme le mort ne craignait aucun danger, il se tenait négligemment assis sur sa monture, contemplant la lune et chantant d'une voix douce et mâle une cantilène d'amour. Vis-à-vis du bosquet où les cavaliers s'étaient cachés, le cheval du voyageur fit un détour pour aller boire à une petite source qui coulait au pied d'un rocher à côté du chemin. Le cavalier abandonna ses rênes sur le cou du cheval afin qu'il pût boire à son aise et continua à chanter. Les cavaliers échangèrent à voix basse quelques paroles. Charmés de l'air noble et de la belle tournure du mort, ils convinrent de ne lui faire aucun mal, mais de s'emparer de lui, ce qui, selon eux, n'était pas très difficile, eu égard à son laisser aller. Et s'élançant tout à coup de leur embuscade, ils s'efforcèrent de le cerner et de l'enlever par surprise. L'étonnement des cinq cavaliers devint de la stupeur lorsqu'ils virent le mort amasser les rênes, faire volte-face à son coursier, assurer son bouclier et placer sa lance en avant. Tout cela fut l'affaire d'un instant et il s'assit sur son cheval aussi ferme qu'un roc sur le sol. Les cavaliers, retenant leurs chevaux, l'examinèrent avec circonspection afin de ne pas avoir avec lui un combat qui pût lui être fatal. « Si vous êtes vraiment des chevaliers, s'écria le mort, et si vous aspirez à une renommée honorable, combattez avec moi les uns après les autres, et je tiendrai tête à chacun de vous successivement. Si au contraire, vous n'êtes que de lâches batteurs d'estrade, errant sur la route pour détrousser les passants, venez tous à la fois et mettez le comble à votre lâcheté. » Les cavaliers délibérèrent un moment entre eux, puis l'un d'eux, s'écartant des autres, s'avança vers le mort. « Bien qu'aucune loi de chevalerie, répondit-il, ne nous commande de risquer la perte d'un gage tombé loyalement en notre pouvoir, nous t'accordons volontiers par courtoisie ce que nous pourrions refuser de droit. Vaillant mort, garde à toi. » Et sur ces paroles, il prit sa distance, tendit sa lance en avant et, piquant des deux, s'élança contre l'étranger. Celui-ci le rencontra à mi-carrière, l'atteignit d'un coup de lance et le désarçonna. Un deuxième et un troisième cavalier succédèrent, mais ils furent démontés avec la même facilité, jetés à terre, cruellement blessés. Les deux autres, à la vue de leurs camarades si horriblement traités, oublièrent toutes les conditions d'un pacte courtois et chargèrent tous deux à la fois le mort sans merci. Celui-ci para les coups portés par l'un d'eux, mais fut blessé par l'autre à la cuisse et dans la mêlée laissa tomber sa lance. Une fois désarmé, il se vit serré de près et se mit à fuir, mais il fut vivement poursuivi. Toutefois, ayant attiré les deux cavaliers à quelque distance du champ de bataille, il tourna tout à coup court par un de ces mouvements habiles pour lesquels les cavaliers morts étaient renommés, et passant vivement entre eux, se pencha rapidement sur sa selle, de manière à pouvoir saisir sa lance. Puis il remonta à cheval et retourna sur ses pas, prêt à recommencer le combat. Un des cavaliers, le voyant prêt à un nouveau combat, comme s'il venait de sortir de sa tente, saisit son corps et sonna un appel qui amena bientôt près de lui l'alcade et ses quatre compagnons. Norbaz, à la vue de trois de ses cavaliers tendus sur le sol et deux des autres chaudement engagés avec le mort, éprouva une profonde admiration pour l'inconnu et désira se mesurer avec un champion aussi accompli. Dans ce but, il intervint dans le combat, ordonnant à ses compagnons de cesser la lutte et invita courtoisement le mort à un combat plus loyal. Celui-ci accepta le défi sans hésitation. Pendant quelque temps, la fortune se montra indécise. L'alcade avait besoin de toute son adresse et de toute sa force pour parer les coups de son antagoniste. Mais pourtant le mort, épuisé par la lutte précédente et par la perte de son sang, n'eut pas le pouvoir de maintenir plus longtemps son cheval, ni de le diriger avec son habileté ordinaire. Il réunit toutes ses forces pour un dernier assaut, se dressa sur ses étriers et porta un violent coup de lance à son adversaire. L'alcade para le choc avec son bouclier et blessa en même temps le mort au bras droit. Puis se précipitant en avant, il le saisit dans ses bras, l'enleva de dessus sa selle et tomba avec lui par terre. Il lui mit alors le genou sur sa poitrine et le poignard sur la gorge. « Cavalier, s'écria-t-il, rendez-vous, car votre vie est à ma discrétion. »« Tuez-moi plutôt, répondit le mort, car la mort est moins horrible que la perte de la liberté. » À ces mots, l'alcade, avec une clémence qui est l'apanage du vrai brave, aida le mort à se lever, banda lui-même ses plaies et le fit transporter avec le plus grand soin au château d'Alora. Au bout de quelques jours, le mort était presque guéri, mais de toutes les blessures qu'il avait reçues sur son corps, aucune n'était aussi profonde que celle dont son esprit était atteint. On le voyait constamment plongé dans la plus noire tristesse. L'alcade, qui avait conçu pour son prisonnier une véritable estime, le traitait moins en captif qu'en ami. Il essaya donc par tous les moyens de chasser sa mélancolie. Tout fut inutile. Le mort demeurait toujours morne et silencieux, et quand il montait sur la plateforme du château, il tenait sans cesse les yeux tournés vers le sud. Comment se fait-il, lui dit un jour l'Alca d'un ton de reproche, que vous, si courageux et si intrépide dans le combat, vous perdiez toute énergie dans la captivité? Si quelque chagrin pèse sur votre cœur, confiez-le-moi comme un ami, et je vous jure, foi de chrétien, que vous n'aurez pas à vous repentir de votre confiance. » Le chevalier mort baisa la main de l'Alcade. « Noble chevalier, répondit-il, le découragement que j'éprouve n'est causé ni par mes blessures qui sont légères, ni par ma captivité, dont votre bonté adoucit l'amertume, ni même par ma défaite, car je ne considère pas comme une honte d'être vaincu par un cavalier aussi accompli et aussi renommé que vous. Pour que vous compreniez la cause de mon chagrin, il serait nécessaire que je vous donnasse quelques détails particuliers sur ma vie. C'est ce que je vais faire, car je me sens porté à vous confier mes secrets, grâce à la sympathie que vous m'avez témoignée et à la magnanimité qui distingue votre conduite à mon endroit. Sachez donc que je m'appelle Alandarez et que je suis un des derniers descendants de l'illustre et infortunée famille des Amancérages. Vous avez sans doute entendu parler des malheurs qui ont accablé notre maison. Accusés de haute trahison, plusieurs des membres de ma famille ont été décapités, on a exilé les autres, et cependant tous étaient innocents. Les mesures sévères furent prises même pour qu'aucun des Amancérages ne restât à Grenade. À l'exception de mon père et de mon oncle, dont l'innocence avait été démontrée, malgré les efforts de leurs persécuteurs. Il fut décrété cependant que dans le cas où ces proscrits auraient des enfants, les rejetons de leur sang seraient élevés, les fils loin de Grenade et les filles mariées hors du royaume. Grâce à ce décret, je fus envoyé fort jeune dans la forteresse de Cartama, dont l'Alcade était un vieil ami de mon père. L'Alcade n'avait point d'enfant. Il m'a recueilli dans sa maison comme si j'avais été son propre fils, me traitant avec la bonté et l'affection d'un père. Je grandis dans la persuasion que j'étais réellement son fils, lorsque, quelques années plus tard, sa femme mit au monde une fille, sans que pour cela sa tendresse pour moi diminuât en rien. Je vécus dès lors près de Carissa, c'est ainsi que s'appelle la fille de l'Alcade, en contemplant, en détaillant même ses charmes, comme j'eusse pu le faire d'une rose du matin, je découvrais toujours un nouvel attrait et une nouvelle beauté. Je me persuadais que la passion naissante que je ressentais pour Carissa n'était qu'une affection fraternelle, lorsqu'un jour, j'entendis par hasard une conversation entre l'Alcade et son serviteur de confiance. C'était moi qui faisais le sujet de leur entretien. J'appris, en prêtant l'oreille à leurs paroles, le secret de ma naissance que l'Alcade m'avait laissé ignorer aussi longtemps que possible, parce qu'il hésitait à m'apprendre la proscription dont ma malheureuse famille était victime. Il déclarait à son interlocuteur qu'il croyait le temps arrivé de me faire connaître la vérité, afin de me fournir l'occasion de choisir une carrière. Je me retirai sans que les deux interlocuteurs se doutassent que j'avais entendu leur conversation. Ce que je venais d'apprendre aurait été capable de m'accabler à une époque où j'étais encore plus jeune. Mais l'âge que j'avais atteint, la nouvelle que Carissa n'était pas ma sœur, produisit sur moi un effet magique. Dès cet instant, mon affection fraternelle devint un amour ardent. Je cherchais Carissa au jardin, où je la trouvais sous un berceau de jasmin, ajustant sa belle chevelure dans le miroir d'une source d'eau pure. Je courus à elle, les bras tendus, et elle me reçut en m'embrassant comme le fait une sœur. Je m'adressai des reproches de l'avoir laissée si longtemps seule. Nous nous assîmes sur les bords de la source et je m'empressai de lui faire part de la conversation que j'avais entendue. « Hélas ! S'écria-t-elle, s'il en est ainsi, il n'est plus de bonheur pour nous. »« Et quoi ? M'écriai-je, cesseriez-vous de m'aimer parce que je ne suis pas votre frère ? Hélas non ! Répondit-elle en me repoussant doucement. Mais du moment qu'il est certain que nous ne sommes pas frères et sœurs, on ne nous permettra plus d'être toujours ensemble. » Carissa avait raison. À dater de ce moment, nos relations prirent un autre caractère. Nous nous rencontrâmes souvent encore sur les bords de la source, sous le berceau de jasmin. Mais la belle-fille de l'Alcade ne venait plus à ma rencontre. Les bras étendus pour me recevoir, elle se montrait réservée et silencieuse. Elle rougissait et baissait les yeux quand je m'asseyais à ses côtés. Mon cœur fut bientôt en proie à mille doutes et à mille appréhensions, torture du véritable amour. Je réfléchissais avec un sentiment d'inquiétude et de regret à notre liberté sans réserve, quand nous nous croyions être frères et sœurs, et j'eusse donné tous les trésors du monde pour que notre fraternité eût été réelle. Les choses en étaient là lorsque l'Alcade reçut du roi de Grenade l'ordre d'aller commander la forteresse de Coimo sur la frontière. Il fit ses préparatifs pour partir avec toute sa famille, mais il me déclara que je resterais à Kartama. Je répondis que je ne pouvais pas me séparer de Karissa. « C'est précisément pour cette raison, fit-il, que je vous laisse ici. Il est temps, Alandarez, que vous appreniez le secret de votre naissance. Vous n'êtes pas mon fils, et Karissa n'est pas votre sœur. « Je sais tout cela, m'écriai-je, et j'aime Karissa d'une affection mille fois plus tendre que ne le comporte celle d'un frère. Vous nous avez élevés ensemble, il faut que vous fassiez notre bonheur mutuel. Nos cœurs se sont donnés l'un à l'autre à mesure que nous grandissions. Ne nous séparez donc point violemment, mettez le comble à votre bonté, soyez pour moi un père en me donnant Karissa pour femme. » L'alcade fronça les sourcils à ces paroles. « Ai-je été trompé, dit-il. Les ai-je élevés l'un et l'autre pour qu'ils conspirassent contre moi? Est-ce ainsi, ajouta-t-il, que vous récompensez ma tendresse paternelle, vous qui surprenez l'affection de ma fille et lui apprenez à tromper son père? Vous, le descendant d'une race proscrite qui ne peut jamais approcher des murs de Grenade, vous auriez dû comprendre qu'il y avait là un motif suffisant pour que je vous refuse la main de ma fille. Et pourtant je ne l'eusse pas fait. À l'heure qu'il est, jamais je ne donnerai ma fille à un homme qui a cherché par ruse à l'engager à désobéir à son père. » Tout ce que je dis pour me disculper, moi et Karissa, fut inutile. Je me retirai, le cœur plein d'anxiété. J'allais trouver Karissa et lui appris ce que m'avait dit son père. « Karissa, m'écriai-je, nous allons nous séparer. Je ne vous verrai plus désormais. Votre père surveillera rigoureusement vos démarches. Votre beauté et votre fortune attireront bientôt un rival plus heureux que moi. Et je serai oublié. » Karissa me reprocha cette crainte inutile. Plus encore, elle me promit une constance éternelle. Je doutais et me désespérais toujours, mais bientôt, décidée par mon désespoir, elle consentit à s'unir à moi secrètement. Quand notre mariage eut été célébré, nous nous séparâmes et elle me promit de me donner de ses nouvelles dès qu'elle arriverait à Coimo, si son père s'absentait de la forteresse. Le lendemain même de notre union, j'assistai à tous les préparatifs du départ de l'alcade. Il refusa de m'admettre sa présence et ne permit même pas de faire mes adieux à Karissa. Je restai à Kartama, tranquillisé en quelque sorte par le lien qui nous unissait Karissa et moi. Mais tout ce qui m'entourait ne faisait que donner de la force à ma passion et me rappelait le souvenir de Karissa. Je jetai les yeux sur la fenêtre à laquelle je l'avais vue si souvent. Je parcourais l'appartement qu'elle avait habité, la chambre dans laquelle elle avait dormi. Je m'asseyais sous le berceau de jasmin et me promenais sur les bords de la source où son visage s'était miré si souvent. Tout rappelait Karissa à mon imagination et remplissait mon cœur de mélancolie. Je vis enfin arriver un des serviteurs de confiance chargé d'une lettre pour moi. Karissa m'informait du départ de son père, qui quittait Coimo ce jour-là même, et elle m'invitait à me rendre immédiatement auprès d'elle pour profiter de sa courte absence. La lettre me désignait une petite porte secrète à laquelle je devais frapper et le signal au moyen duquel je serais admis. « Si jamais vous avez aimé, généreux alcade, vous pouvez juger de mon transport. Dès que la nuit fut venue, je me levai et me hâtai de revêtir mon armure la plus brillante, avec le désir de faire honneur à ma nouvelle épouse. Puis, après m'être armé contre toute attaque, je sortis de Kartama. Maintenant le reste vous est connu. Vous savez par quel caprice de la fortune, au lieu d'être arrivé à Coimo, je me trouve ici, dans les murs d'Alora, vaincu, blessé et prisonnier. Le terme de l'absence du père de Karissa est presque expiré. Dans 3 jours, il sera de retour à Coimo, et notre rendez-vous ne sera plus possible. Jugez si mon chagrin est mal fondé, et si je ne suis pas excusable de montrer une certaine impatience d'être votre captif. » Don Rodrigue se sentit profondément ému à ce récit, car bien qu'il fût plus familiarisé avec la guerre qu'avec des sentiments d'amour, il était d'une nature grande et généreuse. « Alandarez, dit-il au mort, je ne vous ai pas demandé votre secret pour satisfaire une vaine curiosité. Je serais désolé que la mauvaise fortune qui vous a livré entre mes mains vous fît manquer un rendez-vous aussi cher à votre cœur. Donnez-moi votre parole de chevalier, que vous reviendrez à mon château au bout de 3 jours, et je vous rendrai la liberté pour que vous puissiez accomplir votre voyage. » L'avant-serrage, dans le transport de sa reconnaissance, allait se jeter aux pieds de l'alcade, lorsque celui-ci l'empêcha d'en rien faire. Il la plaçait cavalier, prit Alandarez par la main, et s'écria d'une voix solennelle quand ils furent près de lui. « Vous me promettez, parole de loyal chevalier, de revenir au château d'Alora au bout de 3 jours. Je le promets, » répondit l'avant-serrage. Allez, et puisse la fortune sourire à vos vœux, ajouta l'alcade. Si vous avez besoin d'une sauvegarde, mes cavaliers et moi, nous vous offrons à vous accompagner. L'abbé sans rage baise avec effusion la main de l'alcade. Rendez-moi mon armure et mon cheval. Je ne demande pas d'escorte. Il n'est point probable que je rencontre une fois encore un ennemi aussi courageux que vous. La terre était déjà couverte des ombres de la nuit, lorsque le cheval du mort fit résonner du bruit de ses sabots le pont-levis de la forteresse. Et bientôt après, le silence qui se rétablit prouva la rapidité avec laquelle le jeune mort courait à son rendez-vous. Il arriva seulement vers le milieu de la nuit au château de Coïmo, dont il fit le tour avec précaution, sans descendre le cheval, et aperçut la petite porte signalée par Carissa. Il s'arrêta, regarda autour de lui pour voir s'il n'était pas observé, et frappa trois fois sur les panneaux du bout de sa lance. Quelques instants après, la porte fut doucement ouverte par la duègne de Carissa. « Hélas, Seigneur, dit-elle, pourquoi avez-vous si longtemps tardé? Nous avons veillé toutes les nuits en vous attendant, et le cœur de madame est en proie à l'anxiété et à la douleur. » L'avant serrage suspendit sa lance, sa targe et son cimeterre à la muraille, et suivit la duègne, gravissant avec précaution un escalier en spirale qui conduisait à l'appartement de Carissa. Qui pourrait décrire le ravissement de cette entrevue? Le temps s'écoula avec rapidité, et l'avant-serrage aurait presque oublié de retourner à Laura pour y reprendre sa chaîne et tenir son serment, si le souvenir de sa promesse ne lui fut revenu à l'esprit comme un coup de foudre, le réveillant ainsi de son rêve de bonheur. Carissa s'aperçut de ses regards altérés. Elle écoute avec douleur ses soupirs étouffés, mais ses yeux se remplirent de larmes quand elle apprit la cause du chagrin de l'avant-serrage. « Ne vous découragez point, dit-elle en l'embrassant tendrement. J'ai les clés du trésor de mon père, et par conséquent, les moyens d'envoyer une rançon suffisante pour satisfaire le chrétien. De cette façon, vous resterez avec moi, non ? Répondit Andarès. J'ai donné ma parole d'honneur, et en chevalier loyal, je remplirai ma promesse, advienne que pourra. Dans ce cas, fit Carissa, je vous accompagnerai. Jamais je ne souffrirai que vous retourniez prisonnier à Laura, tandis que je resterai libre à Coïmo. L'avant-serrage fut transporté de joie à cette nouvelle épreuve. L'avant-serrage fut transporté de joie à cette nouvelle preuve du dévouement de sa belle épouse. Les deux conjoints firent aussitôt les préparatifs de départ. Carissa monta en croupe derrière le mort. Ils sortirent du château avant le jour et ne s'arrêtèrent que quand ils furent parvenus aux portes du château d'Alora. Arrivé devant le préau, l'avant-serrage soutint les pas tremblants de sa femme, qui restait voilée en présence de Roderick de Norvaz. « Vous voyez, généreux alcade, dit-il à celui-ci, comment un avant-serrage tient sa parole. Je vous avais promis de revenir au bout de 3 jours, me voici, et je vous amène 2 captifs au lieu d'un. Regardez Carissa, et dites-moi si je n'avais pas raison d'être chagrin de la perte d'un tel trésor. Recevez-nous un merci, je livre ma vie et son honneur entre vos mains. » L'alcade éprouva la plus grande admiration à la vue de la beauté de la jeune dame et des nobles sentiments du mort. « Je ne saurais dire lequel de vous deux surpasse l'autre en vertu et en mérite. Mais ce dont je puis vous assurer, c'est que ce château se trouve honoré de votre présence. Considérez-le comme votre propriété tant que vous daignerez y résider avec moi. » Les jeunes époux demeurèrent pendant plusieurs jours à Alora, heureux de jouir de leur amour mutuel et de l'amitié de l'alcade. Ce dernier écrivit au roi mort de Grenade une lettre dans laquelle il relatait toutes les circonstances de l'événement. Il vantait surtout la valeur et la loyauté de l'avant-serrage et demandait pour lui sa royale protection. Le roi fut touché de ce récit et saisit avec empressement l'occasion de répondre aux vœux d'un ennemi loyal et chevaleresque. Quoiqu'il eût souvent à se plaindre des prouesses de Don Rodrigue de Norvaz, il admirait son caractère héroïque. Il manda l'alcade de Coïmo en sa présence. Il lui donna à lire la lettre de Norvaz. L'arcade pâlit et trembla de rage à cette lecture. « Modérez votre colère, lui dit le roi, je ne saurais rien refuser à l'alcade d'Alora, du moment que ce qu'il me demande est du ressort de ma volonté. Rendez-vous à Alora, pardonnez à vos enfants et ramenez-les dans votre résidence. Je prends l'avant-serrage sous ma protection et lui accorde ma faveur. Je serai charmé de reprendre des bienfaits sur vous tous. » La colère de l'alcade s'apaisa sur le champ. Il se rendit en toute hâte à Alora, pour y embrasser avec effusion ses enfants qui se jetèrent à ses pieds. Roderick de Norvaz donna la liberté à son prisonnier. ne demandant pour toute rançon que la promesse de son amitié. Il accompagna même les jeunes fiancés et leur père à Coimo, où le mariage fut célébré au milieu des plus grandes réjouissances. Quand les fêtes furent terminées, Don Rodrigue retourna à son château d'Alora. Dès qu'il fut parti, l'alcalde de Coimo dit à ses enfants « Je remets entre vos mains toute ma fortune. Un des premiers devoirs que vous ayez à remplir, c'est de ne pas oublier la rançon que vous devez à l'alcalde d'Alora. Vous ne pourrez jamais égaler sa magnanimité. Donnez-lui votre amitié tout entière, car il la mérite à tous égards, bien qu'il professe une foi différente de la nôtre. » L'avancérage remercia son père de cette pensée qui répondait si bien à ses propres désirs. Prenant une grosse somme de pièces d'or, il l'enferma dans un coffre brillant et l'envoya à l'alcalde d'Alora avec 6 chevaux magnifiquement carapaçonnés, 6 boucliers et autant de lances montées et guillochées en or. La belle Carissa écrivit en même temps à l'alcalde une lettre remplie de reconnaissance et d'amitié. Il lui envoya une boîte de bois de cyprès odoriférant, remplie de linge de la plus fine qualité. L'alcalde d'Alora disposa du présent qui lui était fait de la manière suivante. Il partagea les chevaux et les armures entre les cavaliers qui l'avaient accompagné la nuit où avait lieu le combat entre le mort et lui. Mais il garda la botte de bois de cyprès et son contenu pour la belle Carissa. Il lui renvoya par un messager la somme qui lui avait été donnée comme rançon, la priant de recevoir cela comme un cadeau de mariage. La courtoisie et la magnanimité de l'alcalde Rodrigue de Norvaz attirèrent sur lui l'estime générale et le plus grand respect de tous les morts qui le vantaient partout comme le vrai modèle de la chevalerie. Depuis cette époque, les meilleures relations de bonne amitié existèrent entre eux. Telle est, en vile prose, la ballade que chantait la belle Diana de Montemayor et que j'ai cru digne d'intéresser mes lecteurs. Bénédicte Révoile.